Donc on est toujours dans ce livre Mubarak Adim al-Naf Nuzhatul Julasa fi dhikri al-ahkam allati takhussu an-nisa. لأخينا الفاضل أبي سمح حفظه الله ورعاه بارك الله فيك. من يذكر آخر الباب التي مرت بنا؟ Qui se souvient du dernier chapitre qui dans lequel on était? Hein, Mohamed? تذكر حتى بالمعنى لا قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أزواجه إما تختار البقاء يختارن البقاء معه أو الفراق بالجميل. On était sur le chapitre, on a terminé le chapitre où le prophète alayhi salatu wassalam avait donné le choix à ses épouses de soit rester avec lui dans les conditions de vie qu'il menait, qui étaient des conditions de vie très difficiles hier. Voilà. Les conditions dans lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam vivait avec ses épouses étaient des conditions très difficiles hier. Voilà. Et là, on revient encore au. À ce que je vous disais quelques minutes auparavant sur la patience et que cela est valable pour les hommes comme pour les femmes. Enfin, les mères des croyantes aujourd'hui sont considérées comme les meilleures des femmes que la terre n'ait jamais portée. Mais pour atteindre ce haut degré, elles sont passées par l'histoire que vous savez. Et par bon nombre de difficultés ou de chada'at. Et que si elles n'auraient pas patienté à ce moment-là, ou qu'elles auraient choisi cette vie éphémère, elles seraient passées à côté de ce grand frère. Elles seraient passées à côté de ce grand frère. C'est pourquoi il est important à la femme de rivaliser de patience et d'effort. وللأسف الشديد يا إخوان كثير من النساء صرنا لا يطمئن لا تطمئن عند ذكر الله أو عند ذكر آياته أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. C'est avec fort regret que tu constates que bon nombre de femmes ne trouvent plus d'apaisement lorsque on leur évoque Allah Azza wa Jal, ou lorsque leur mari leur évoque Allah Azza wa Jal, ou lorsqu'il leur rappelle des versets d'Allah, ou lorsqu'il leur rappelle des hadiths. وَهَذَا عُنْوَانُ الشَّقَاوَ. Et ça, vraiment, c'est un très très mauvais signe. Très très mauvais signe. فالله سبحانه وتعالى ما أنزل هذا الكتاب إلا هدى ونورا وبشرى ورحمة. الله سبحانه وتعالى لا pas fait descendre ce livre là si ce n'est que c'est une lumière, pas une lumière فقط pour les hommes, mais c'est une lumière pour les femmes. C'est une guidée, pas une guidée seulement pour les hommes, mais c'est une guidée aussi pour les femmes. C'est une miséricorde. C'est une miséricorde, pas seulement pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Fa yambari. Oh yambari. Liman wusifa bil iman. Rijalan kana. Oh imra'ah. An yatma'in. Inda sima'i ayatillah. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il est impératif à toute personne que l'on caractérise comme étant croyant ou croyante de s'apaiser lorsque les versets d'Allah Azza wa Jal lui sont récités et de les prendre véritablement comme lumière et comme guidée. Hada huwa at-tariq al-mustaqim. Parce que c'est ça le droit chemin. Nahnu fi hadhihi ad-dunya kamarin. On est comme des passagers dans ce bas monde. Wa lil-asaf shadid kathir min an-nisa بسبب ما يزين لها الشيطان تقع في ضعف تقع في ضعف. Bon nombre de sœurs, à cause de l'embellissement que Shaitan lui fait croire, tu les vois, ni elles veulent prendre le mushaf, ni elles veulent qu'on leur rappelle les ayats, les versets d'Allah, ainsi que les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Rubbama tahda bil kalam ma'a tabib an-nafs. Et peut-être même que les paroles d'Allah ne lui font pas d'effet, mais qu'elle va trouver de l'effet avec les paroles de, je ne sais pas moi, un psychologue ou là, tabib an-nafs. Wa tabib an-nafs ya ikhwani dakal muslim fala bas. Si le psychologue, c'est un musulman, falabas, c'est une chose mubah, c'est une chose permise de parler avec quelqu'un musulman. Lakin idha kan ghayr muslim, fahada fala. Mais s'il n'est pas musulman, ce n'est pas permis. Hada wahid. Thaniyan, le fait que lorsque tu parles avec ce genre de personne, en général, tu racontes ta vie. Qui dit raconter sa vie, dit raconter les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et si on comprend dans les mauvaises choses les péchés, hada haram. Hatta wa in kan musliman. C'est interdit de raconter ses péchés, même si c'est une personne musulmane. Thalithan, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa yas'alunaka 'anil ruh. Qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila. Troisièmement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on vous questionne, il te demande, c'est-à-dire les juifs, ils te demandent au sujet de l'âme. Au sujet de l'âme. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dis-leur que l'âme est une chose qui vient de ton Seigneur. L'âme, l'être humain, l'âme de l'être humain, c'est une chose que même l'être humain, il ne peut pas comprendre, concevoir d'une conception totale. Comment elle fonctionne. Ça vient d'Allah azza wa jalla. Enfin, si déjà Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit que ton âme, tu peux pas la concevoir d'une conception totale. Fama balak bi wahid ma indahu ilm bi kitab wala sunnah wala. Qu'est-ce qu'il en est alors de quelqu'un qui a passé son temps à étudier la science autre que la science religieuse? Il va t'apprendre sur ta propre âme. Là, il y a un Quran. العلاج كله في القرآن. Chaque maladie, que ce soit les maladies physiques, ou que ce soit des maladies morales, ou que ce soit des maladies abstraites, son علاج, il se trouve dans le Coran. Wallahi, ya ikhwan. Son علاج, il se trouve dans le Coran. Wa nahnu, subhanallah, marra bina kalam, kalamullah. Fa kalamullah, ma hu sahl, tara. Le fait de te dire que c'est les paroles d'Allah Azza wa Jal, c'est pas simple. Celui qui a tout créé, celui qui t'a prédestiné à kada wa kada, celui qui te connaît, qui t'a façonné fi butuni ummahatikum, dans le ventre de vos mères. Fa kalamuhu al-Qur'an, c'est pas une chose simple que tu mets de côté, tu dis, ouais non, pourquoi on revient tout, on ramène tout au Coran, on ramène tout à la religion, à la... Inch'Allah. Nahnu ma'arrin. Hein? Kama qala ahadul awliya, wa sata'lamuna ma aqulu lakum, wa inni ufawwidu amri ila Allah. Vous vous rappellerez de ce que je vous dis. Ça, c'est dans le Coran. Hein? Un des alliés, hein? Un des pieux qui faisait conseil à son peuple. Hein? Lorsque son peuple s'est détourné du rappel, il a dit, vous vous rappellerez de ce que je vous dis. Vous vous rappellerez quand vous serez dans votre tombe. Vous vous rappellerez lorsque les malaïkas de la, lorsque l'ange de la mort il se présentera. Vous vous rappellerez. Ufawwidu amri ila Allah azza wa jalla. Falihada yanbaghi liman yattasifu bil iman an yasbir ala al hal alladhi huwa fihi wa an ya'tamid ala Allah azza wa jalla ghayat al i'timad. La ta'tamid ala al ashkhas fa inna al ashkhas la tadum. Non. Donc là, on est arrivé au chapitre. Rahmatullah. طيب باب إذا طلقت المرأة طلاقا بائنا فليس لها نفقة ولا سكنة. Bon, ça c'est un chapitre qu'on avait déjà vu à cela. Chapitre. Si la femme est divorcée d'un divorce irréparable. D'un divorce irréparable. C'est quoi le divorce irréparable, Ya Khan Abba Suleyman? C'est le divorce qui a été fait à trois reprises. Hakada? Non, mais c'est pareil. C'est pas... À trois reprises séparées. Séparées par une raja'a. Non. Donc cette personne-là, cette femme-là qui a été divorcée trois fois, d'une manière séparée bien sûr, elle n'a pas le droit de bénéficier de son mari d'une quelconque pension ou d'un logement. Elle n'est pas en droit. Ça veut dire si le mari ou l'ex-époux le fait... Il le fait par sa propre volonté, mais ce n'est pas une obligation. Non. Wa dalilu fi dhalik qala an Fatima bint Qais radiyallahu anha qalat talaqani zawji thalathan falam yaj'al li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sukna wa la nafaqa. Donc ce hadith là on l'avait déjà vu. Tamam, mais là c'est une autre version qui est encore plus clair que le hadith précédent, où elle dit, Fatima ibn Qais, elle dit, mon mari m'a divorcé trois fois, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a pas accordé de lui un quelconque logement ou une quelconque pension. Tamam. Donc là, comme on avait déjà vu ça, vous retenez que la femme qui est divorcée d'une manière irrévocable, elle n'a pas droit à un logement ni à une quelconque pension. Wa idha kanat hamil ya Abba Abdurrahman hatta yada'na hamlahun. Na'am. Hadha bil ijma'. Mais si elles sont enceintes, même si elles ont été divorcées trois fois, fait partie de leurs droits qu'on leur donne, ou que leur ex-époux leur donne une pension ainsi que un logement. هذا لا هذا واجب لكن المتاع كيف تحدده اخونا هارون يدمند au sujet du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit et pour les femmes divorcées accordez-leur un bien bil ma'ruf, accordez-leur un bien dont elles pourront jouir d'une manière convenable. Tamam. C'est quoi la question? C'est le cas, c'est Ba'il ou là c'est. C'est le cas, c'est un cas, que ce soit la Ba'ina ou que ce soit la. التي فيها رجعة لك أن تعطيها أو يجب عليك أن تعطيها هدية متاعا أحسنت تفضل طيب الآن مسألة يا محمد لا يا إنفام كي سمغيه Tamam. Elle s'est mariée, mais maintenant, elle se rend compte que la personne avec qui elle s'est mariée, c'est son frère de lait. C'est son frère de lait. Et le frère de lait, est-ce que sa sœur peut le marier, sa sœur de lait? Haram, lil abad. Il est éternellement, il lui est éternellement interdit. Donc ça fait partie des maharim de la femme en fait. Mais eux ils savaient pas. Tamam? Eux ils savaient pas. Taïd. Là qu'est-ce qui se passe, Yéhouan? On leur oblige de se séparer? Wa alaykoum salam. On leur oblige de se séparer? Hein, Riyad? On leur oblige de se séparer? Hein? On leur oblige de se séparer. Quelqu'un il a marié sa sœur de lait sans le savoir. Taïb. Ils ont consommé le mariage, taban. Ils ont consommé le mariage. Elle est enceinte. On leur dit, on leur conseille de se séparer. Allah alam. Hein? Ah ouais. Hein? جاءت إليه المرأة وقالت إني قد أرضعت ربك والتي تزوجت ثم ذهب عقبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف وقد قيل أحسن لله يبرك نعم on est obligé de les séparer تفضل on est obligé de les séparer donc là il est obligé de se séparer d'elle يطلقها. طيب لكن السؤال هنا في هذه المسألة. Donc là il a divorcé. Est-ce que il doit lui donner une pension ainsi qu'un logement ou bien non parce que c'est un nikah shuba. Nikah shuba. هناك فرق. Il y a une différence entre nikah shuba ou nikah fasid ou nikah batil. طيب نكاح شبهة ما هو يا موسى أيوب نكاح شبهة الله أعلم الله أعلم أبريان ها أروك كالذي ذكرت الآن تدير ما كانوا عالمين Ceux qui se sont mariés, ils ont, sans le vouloir, sans le savoir, ils ont manqué un des piliers du mariage, sans le savoir, par ignorance. On appelle ça nikah shubha. Taïb. Ou nikah fasid. Aïwa, ahsant, lillah yadarrok, ya haram. C'est le nikah al-fasid, c'est celui où il y a une divergence. Bien qu'il y ait un dalil qui est clair, mais il y a quand même une divergence chez les savants. Comme a fait masalat nikah bighayr wali. Il y a un dalil qui est clair. La nikah illa bi wali. Le prophète Azam il dit il n'y a pas de mariage sans que le tuteur de la femme, sans l'accord du tuteur de la femme. Vous voyez ? Cependant, il y a quand même une divergence chez les savants. Donc ils ont appelé ce genre de mariage nikah fasid. Ou nikah al-batil, c'est celui où il n'y a pas de divergence entre les savants, comme le fait de marier une femme à un chrétien. Une femme musulmane à un chrétien. Non. طيب donc vous retenez que dans le cas où c'est nikah shubha ou fasid et qu'elle est enceinte, alors l'avis le plus juste c'est que il doit lui donner la nafaqa. Il doit lui donner la nafaqa. طيب هناك مساله يا اخوان. La femme, si elle est désobéissante, si elle est désobéissante, est-ce qu'elle a droit à la nafaqa? On a déjà vu ça, Aslan, taban. Une grande majorité des savants, ils disent qu'elle n'a pas le droit à la nafaqa. Elle n'a pas le droit à la pension, son mari. Quand on dit la pension, ça sous-entend la nourriture, le fait qu'il la nourrisse, le fait qu'il l'habille, et autres. Lakin, As-sukna, est-ce que le logement rentre dedans? Hein? Allahu a'lam. Na'am, inda kathirin min al-ulama. Chez une grande majorité des savants, le logement rentre dedans. Tayyib, taba'an, laysa inda kulli isyan. Donc, taba'an, c'est pas pour chaque cas, pour n'importe quel acte de désobéissance, que ce genre de jugement tombe. طيب قال باب قول تعالى وبعولتهن أحق بردهن إلى قوله تعالى الطلاق مرتان. Donc là, c'est un nouveau chapitre. Nouveau chapitre. Au sujet de la parole d'Allah Azza wa Jal, où il dit « Et leurs maris sont plus en droit sur elles. » Wa hada ya ikhwan, ihfadhu anna hada dalilun. Ou anna hada dalilan ala anna al-mar idha talaqa zawjata talaqan rij'iyan له أن يراجعها حتى وإن لم ترضى وبعولتهن أحق بردهن. Et ça c'est le dalil qui montre aussi, ou qui appuie comme on l'a déjà vu, que la femme, lorsque son mari la divorce d'un divorce récupérable, que si la divorce d'un divorce récupérable, alors, madame, et qui veut la récupérer, alors il est plus en droit de la récupérer, et elle n'a pas le droit de refuser. De refuser de revenir avec son mari. Une arad ou islah. Tu peux comprendre d'un autre sens que si elle ne veut pas. Il revient qui in aradu. In aradu, al-bu'ul. Les époux. Araft. Lakin, comme je l'ai dit, c'est jamil, qu'aulouk, fi shi. Lakin, aslan, qad marrat bina l'adilla sariha, ala anna al-mar'a, laysa laha araft, fi hadhi al-mas'ala. Naam. طيب وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية. Donc au sujet de, et donc عبد الله بن عباس il dit au sujet de la parole d'Allah عز وجل والمطلقات يتربصن, et les femmes divorcées doivent attendre. Doivent attendre, c'est-à-dire durant la période de viduité, ou doivent passer une période de viduité de 3 menstrues. Non. Donc les femmes divorcées doivent passer une période de viduité de 3 menstrues. Allez, c'est kadhalik qui a barayan. Les femmes divorcées, combien est leur période? Selon le verset que nous venons de citer. Hein? Hein, Abdelrahman? T'as retenu? Ouais? Omar? Hein? Elias? Aïna, Rayan? Marid? Oh, Shafa Allah. Salallah, Nishfia. Allah, Nistan. Donc, la période de visite, c'est trois périodes de menstrues. Et il ne leur est pas permis de cacher ce qu'Allah a créé dans leur matrice. C'est-à-dire, il ne leur est pas permis de cacher leur grossesse. Le verset. Donc, Abdallah ibn Abbas, il va parler au sujet de ce verset-là. Il dit وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلْ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا. Et ceci, car avant, la personne qui venait à divorcer sa femme, il n'était plus en droit de la récupérer, et ce, même s'il l'a divorcée trois fois. فَنُسِخَ ذَلِكَ وَقَالَ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ. Et ceci a été abrogé, et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, le divorce n'est que du nombre de deux. Le divorce n'est d'autre que du nombre de deux. Non. À la coulée hal, tout ça pour dire que l'homme, il peut récupérer sa femme. S'il y a des questions, et Akhwan, on les prend. Et si les sœurs ont des questions, Inch'Allah, elles passent par Omar Abdillah.